Hello and welcome et bienvenue à tous et toutes dans cette émission qui est comme une sorte de carnet de voyage musical. Vous êtes sur la croisière folle, c'est l'endroit où nous partons à la découverte de tous les coins et recoins de la musique folk. Si vous souhaitez peut-être liker la page Facebook, eh bien nous en avons une, n'hésitez pas à le faire. La page s'appelle La Croisière Folk. Et pour communiquer avec nous, on a un mail, lacroisièrefolk@yahoo.com. On a démarré cette émission avec Pete, Joshua et Heather Nines, Never Can Tell. Vous pouvez voir la vidéo d'ailleurs sur notre page Facebook. Alors il y a 10 ans, Pete et Heather se sont rencontrés pour la première fois dans un folk club dans la région d'Oxford. Pete, alors invité Heather a chanté sur le CD qu'il enregistrait à l'époque et depuis ils n'ont cessé de jouer ensemble. Leur complicité musicale forgée dès leur plus jeune âge transparaît dans la chanson Never Can Tell qu'on vient d'écouter. Pete explique que l'approche de cette chanson est de sa composition et que le reste a été construit autour de l'idée initiale. Pete Joshua et Heather Nines, c'est leur page Facebook, n'hésitez pas à la liker. On va poursuivre avec ce groupe de Luxembourg qui sortira son album au mois de septembre. L'album s'appelle Richtung Freiheit, vers la liberté. Et donc c'est Schuppe Sui Siwen avec Danzen, ensuite Kimoru Cru, Pêcher la truite. Cette chanson qui est un hymne au bon temps et à la bonne humeur, bien sûr avec un léger côté festif que le groupe maîtrise depuis longtemps. Et les membres de Kimoru Cru sont originaires de la Gaspésie. Et il y aura aussi Laurie Lewis, Texas Wind, extrait de son nouvel album Trees, un album sorti en 2024. Vous écoutez La Croisière Folk et croyez-moi, vous avez bien raison. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Von uns Blicke sich begegnen, der Reich, das ganz egal. Die ganze Welt dringt, mein Körper nächst das, denn nur wenn das noch lang. Du guckst mich an, ich hab dich, passt du halt noch frei. Schon, ich boxe tanzen, tanzen auf der Beat. Schon, ich boxe tanzen, alles fällt so. Zeit, das alles wie ein Traum. Ich meine Schritt nur vier. Mulheit auf Eid, haut was du bei mir am Arm. Der Körper fällst du mir. Du guckst mich an, ich auf dich. Passt du mal so bei. Schon, ich boxe tanzen. Tanzen auf der Beat. Schon, ich boxe tanzen. Croisière folk. To infinity and beyond! Embarque dans le champ, roulez jusqu'à demain. Regardez la route droit devant et s'en aller un peu plus loin. Laissez les ennuis derrière et les problèmes. On s'en va au chalet, pêcher la truite. J'ai amené ma guitare pour la musique. Jean-Paul est aussi long avec la sienne. Pour chanter ma bouteille avec un verre de gin. On tient le beat sur la bottine. La fin de semaine n'est pas finie. Faut charger nos batteries. 6h moins quart, c'est dur sur le corps. Avant mes deux cafés, j'suis presque mort. Mais l'eau, il va falloir se préparer. Avec ma canne à pêche dans la main, on avance sur le lac au petit matin. pour essayer d'attraper le souper. Et chanter ma bouteille avec un verre de gin. On tient le bit sur la bottine. La fin de semaine n'est pas finie, faut charger nos batteries. Chez la truite, ça fait du bien. J'ai déjà hâte de voir quand c'est qu'on vient pour chanter ma bouteille. Avec un verre de gin, on tient les bites sur la bottine. La fin de semaine n'est pas finie, faut charger nos batteries. Avec deux verres de gin, on tient les bits sur la bottine. La fin de semaine n'est pas finie, faut charger nos batteries. From the rain that's carried on the Texas wind, it comes whistling off the plain, reminding me of you again. And I remember when we were lifted by that wind, like two birds upon the wind. So long now my heart's been true to the memory of a song. The melody's so sweet and strong. Oh, will the Texas home to me again. À l'instant, dans la croisière folk, Laurie Lewis, Texas Wind. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nobody does it better. 1, 2, 3, c'est la partie de l'émission où en trois chansons, on vous fait découvrir un album. Aujourd'hui, l'album de Noah Zakarin, Points of Light. Alors, qui est Noah Zakarin? Eh bien, c'est un talentueux auteur-compositeur et guitariste originaire de l'Ontario. Il a lancé son 9e album aux États-Unis. C'est un album qui compile 10 chansons populaires précédemment jamais enregistrées sur un album, à l'exception d'une version live de Ten Ton of Road. Produit par le lauréat d'un prix Juno, Danny Greenspoon, l'album a été enregistré et masterisé dans des studios à Toronto. Points of Light se distingue par son authenticité, avec des critiques louant sa poésie, son jeu de guitare et son interprétation. Heather Kitching et Jenna Melanson jouent la profondeur et l'émotion de l'album, tandis que Blues Bites décrit comme un incontournable pour les amateurs de musique. L'album mélange performance solo et en groupe avec des contributions de musiciens comme Marc Ribot et Kevin Turcott. Zakarin, qui a lancé sa carrière musicale à un jeune âge, a une longue expérience de scène et de production. Aujourd'hui, il vit dans une maison près de Madoc et une cabane hors réseau tout en poursuivant ses tournées. 17 minutes, Something Like a River et Red Red Bird. J'ai failli perdre ma voix d'ailleurs dans la présentation de cet album. Allez, tout de suite, voici cet album de Noah Zakarin, Points of Light, un album que je vous suggère. C'est la croisière folk que vous écoutez. Bienvenue à bord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Flowing river don't mean much to me. Now wind from the north rattling the leaves, only steam and whistle, wheels that shake the joint. Metal on metal on to the vanishing point. Train passed by every 17 minutes. Each one got one of my old loves in it and all. Oh, I'm gonna miss that train. Sweet jelly roll, whiskey in the jar. I roll for the nine, I got snake eyes in my own backyard. But I'm alright with how she got free. My watch keeps good time, my knife keeps me shining company. Train passed by every 17 minutes. Each one got one of my old loves in it and all. Oh, oh, oh, I'm gonna miss that train. Thank you. wrestle like babies loving. Sweet in the leaving as it is in the coming. And oh, I'm gonna miss that. Now stars fall from me and quiver in the sky. My pond owl shivers, splashed by the sound of goodbye. But everything is diamonds, everything is cold. Around the blues bend there's a bluegrass banjo roll. Train passed by every 17 minutes. Each one got one of my old loves in it and all. Oh, I'm gonna miss that. I'm gonna miss that train. Sometimes you feel so far away. I got the stumble of an infant the embrace of a man of clay. And you work to find sweet water, a place where you can pray. Oh, my darling, sometimes you feel so far away. But my heart is a red, red bird. Stars above the dust and the dirt sings a song you never heard. My heart is a red, red bird. Now nothing we can count on to face the rising flood. Best we get might be to hold each other, slip together in the mud. Oh, taste the racing waters, feel the cooling of the blood. There's nothing we can count on to face the rising flood. But my heart is a red, red bird. Soars above the dust and the dirt, sings a song you never heard. My heart is a red, red bird. Back on the tree, I color the ghostly outlines of those who hover just out of reach. Oh, teach me how to find this better hour that you see. 'Cause nothing in the world can put the leaf back on the tree. My heart is a red, red bird. Stars above the dust and the dirt sings a song you never heard. My heart is a red, red bird. Let your heart be a red, red bird. Soar above the dust and the dirt, sang a song you never heard. Let your heart be a red, red bird. Dans 1, 2, 3, on a découvert Noah Zacharine, Points of Light, avec trois morceaux, 17 minutes, Something Like a River et Red, Red Bird. Et tout de suite, c'est de la poésie, puisque vous le savez, dans cette émission, on aime bien la poésie. Il y a 125 ans, naissait Maurice Carême, poète belge, et donc on lui rend hommage avec des poèmes qu'il a écrits et qu'il lit lui-même d'ailleurs. C'est lui, c'est l'auteur lui-même qui lit les poèmes. Aujourd'hui, c'est la flûte au Verger. C'est un poème qui explore les thèmes de la nature, de la musique et de la paix intérieure. Dans ce poème, Maurice Carême évoque l'image d'une flûte jouée dans un verger créant ainsi une atmosphère de sérénité, de beauté. Le poème est marqué par sa musicalité, son harmonie, ce qui est caractéristique d'ailleurs du style de Maurice Carême. Le poème a été publié en 1951 dans le recueil Le poème de la flûte. Ce recueil est l'un des ouvrages majeurs de Maurice Carême et il reflète bien son talent pour capturer la magie et la simplicité des moments quotidiens au travers de ses mots. Et ensuite, il y aura Dana Cooper, Suzanne Gibson et Shake Russell avec Rocked in a Country Cradle, Bob Dylan, House of the Rising Sun, et puis Bruce Springsteen, Pay Me My Money Down, extrait de l'album We Shall Overcome, The Seeger Session. C'est le 14e album studio de Bruce Springsteen, sorti en 2006. Il a atteint la 3e place du Billboard 200 et a remporté le Grammy Award du meilleur album folk traditionnel lors de la 49e cérémonie des Grammy Awards. Il s'agit en fait du seul album de Springsteen qui ne soit pas entièrement composé de morceaux de lui, donc de Springsteen. Il contient son interprétation de 13 chansons folk rendues populaires par le musicien, artiste folk, activiste Pete Seeger. La flûte au verger. Tu n'auras rien fait dans ta vie qui vaille d'être retenu. Ainsi passe sur un talus l'ombre criarde d'une pie. Tu n'auras chanté que pour toi dans le silence d'un verger. Doux joueur de flûte, et berger de tes petits moutons de joie. Tu auras savouré tes pommes en remerciant le Seigneur, mais tu oubliais les faucheurs coupant le pain de tous les hommes. Comme tu l'as toujours été, te revoilà seul dans le soir, avec un reste de clarté sur tes mains mouillées de brouillard, et tu te tresses gauchement avec des liserons d'automne, comme autrefois une couronne pour consoler ton cœur d'enfant. When I was young, the family liked to gather round kitchen radio, we'd wind the long day down. Mama loved to hear your cheating heart. I couldn't wait to hear him rock around the clock. I was rocked in a country cradle, moon shining in my eyes. Cricket in the wall sang me a song. I was rocked in a country cradle, both sides of that track. Raise a little cane when that mystery train rattled our little shack. I was rocked in a country cradle. 63, I found the music I could call my own. I'd play those records in my basement all alone. Dad said that ain't music, not like I walk the line. I couldn't hear him, I was heading for a hard day's night. I was rocked in a country cradle, moon shining in my eyes. Cricket in the wall sang me a song. I learned to harmonize. I was rocked in a country cradle, both sides of that track. Raise a little cane when that mystery train rattled our little shack. I was rocked in a country cradle. Still feels the same. The radio still plays, but something has changed. Dad knows all the words to yesterday. all sing together again. I was rocked in a country cradle, moon shining in my eyes. Cricket in the wall sang a song, island harmonized. I was rocked in a country cradle, both sides of that track. Raise a little cane when that mystery train rattled our little shack. I was rocked in a country cradle, moon shining in my eyes. Cricket in the wall sang me a song, I learned to harmonize. I was rocked in a country cradle, both sides of that track. Raise a little cane when that mystery train rattled our little shack. I was rocked in a country cradle. La croisière folk. May the force be with you. There is a house down in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many poor girls. And me, oh God, I'm a one. My mother was a tailor. She sewed these new blue jeans. My sweetheart was a gambler, Lord, down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. And the only time he's satisfied is when he's on a drunk. Fills his glasses up to the brim, and he'll pass the cards around. And the only pleasure he gets out of life is rambling from town to town. Oh, tell my baby sister not to do what I have done. But John, that house in New Orleans, they call the rising sun. Well, it's 1 foot on the platform and the other foot on the train. I'm going back to New Orleans to wear that ball and chain. going back to New Orleans. My race is almost run. I'm going back to end of my life down in the rising sun. They call the rising sun. It's been a road of many poor girls and me. Oh God, I'm a one. Tomorrow is our sailing day. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down. He knocked me down with a spar. Pay me my money down. Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Dans la minute astuce aujourd'hui, je vais vous dire comment il faut dire adieu au tartre dans la bouloire. Si vous en avez du tartre ou du calcaire dans votre bouloire, eh bien vous faites dans celle-ci bouillir de l'eau avec du vinaigre blanc et vous rincez une ou deux fois. Mais que faire pour prévenir la formation du tartre? Eh bien, une coquille d'huître sera déposée sur le fond de la bouloire, fera d'ailleurs un anticalcaire très efficace, puisqu'en fait, le calcaire ne se déposera plus sur votre bouloire, mais sur la coquille d'huître. Voilà, il fallait le savoir, c'était la minute astuce pour aujourd'hui. Et on poursuit en musique dans cette émission La Croisière Folk avec Daniel Léger, Je m'en vas dans le bois. C'est une chanson qui vous plongera au cœur de la forêt acadienne. Robert Detiers, ni blanc ni indien. C'est un extrait de son nouvel album Racine 2. C'est un mélange heureux entre chant et tambour amérindien et folk québécois. L'album, donc Racine 2, traite de l'histoire, de territoire, d'environnement et de l'origine de nos racines. Ni blanc ni indien est une chanson folk rock native. Et puis juste après, deux stars, Steve Martin, qui n'est pas seulement que acteur, sachez que c'est également un joueur de banjo de classe nationale, même internationale, et Kermit le Frog. Et on écoutera Dueling Banjo. Toute la musique que j'aime, elle vient de La Croisière Folk. The best music. On me fait travailler pour quelques pinottes, une carotte au bout d'un bâton. Comme un hamster dans sa cage, je suis pris dans un engrenage. Cours sans avancer, ça ne peut plus continuer. J'entends le tic-tac, une autre journée de 8 à 4. Ma cervelle se détraque, faut que je punche ma carte. Avant de retourner en poussière, je dois échapper à ma misère. Me tourner in avec l'univers. M'en va dans le bois, prends ça à la légère. M'en va dans le bois, crache ma pile de la nerf. Dans une cabane au fond de nulle part, avec les ours et les renards. Rien faire pour une fois, m'en va dans le bois. Me donne corps et âme pour le 1%. Des gens qui en profitent, qui me lèvent le nez. Ils n'ont jamais eux-mêmes levé de petits doigts pour travailler. Trop c'est trop, je fais comme Henry David Thoreau. M'en va dans le bois, prends ça à la légère. Je m'en va dans le bois. Je m'appelle la nerf. Dans une cabane au fond de nulle part, avec les ours et les renards. Rien faire pour une fois, je m'en vais dans le bois. Je m'appelle la nerf. Dans une cabane au fond de nulle part, avec les ours et les renards. Rien faire pour une fois, je m'en vais dans le bois. va dans le bois. M'en va dans le bois, prends ça à la légère. M'en va dans le bois, cracher ma pile la nerf. Dans une cabane au fond de nulle part, avec les ours et les renards, rien faire pour une fois. M'en va dans le bois. Dans une cabane au fond de nulle part, avec les ours et les renards, rien faire pour une fois. M'en va dans le bois. Je vois le temps passer. Un bohème sans destin, un pauvre musicien. Je sais plus où aller, qui m'entendra? Moi, le dernier des guerriers, le sang de mes veines oublié. Ni blanc, ni indien, ni indien. Déchiré par les miens. Je regarde les éclats, je danse avec la vague. Je revois mes frères, j'entends leurs cris d'une tribu devenue ville. De l'an 1500 à l'an 2000. Ni indien, déchiré par les. Je suis un métis moderne, ni blanc ni indien. Je viens du sud et remonte vers le nord. On m'a accueilli les bras ouverts. À moi de respecter mes frères divers. S'il faut, pour entrer ici, enlever mes souliers, je dois tout simplement m'y conformer pour ne plus refaire ce qu'ont fait mes aïeux, c'est-à-dire tout changer au nom d'un seul Dieu. Ni blanc, ni indien, tout changer au nom d'un seul Dieu. Déchiré. Thank you. That was okay, but I think you missed a note there. I think that was your note. I know the last note was you. Please, I haven't missed a note in 3 years. Yeah, more like 3 seconds. Hey, you. Ça y est, c'est fini. Et voilà, c'est ici que se termine la croisière folk. Merci d'avoir navigué avec nous à bord de cette émission. Que les mélodies que nous avons partagées aujourd'hui vous accompagnent dans tous vos voyages. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Sachez que dans une ou deux émissions, on fêtera le 5e anniversaire de l'émission. 5 ans déjà, je ne sais pas si vous l'écoutez depuis le début. Donc, que la force soit avec vous, comme je vous dis d'habitude, et avec tous les autres. Et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans cette croisière folle qui vous fait voyager ici et là-bas. Bye bye, et on se quitte. J'allais oublier de vous le préciser, Marc Knopfler et Emilio Harris, Red Dirt Girl. Voilà, maintenant, c'est vraiment fini. I'll be back. C'est rigolo, hein? Toi, très bon. Toi, parlez vrai. Me and my best friend Lillian and her blue tick hound dog Gideon, sitting on the front porch, cooling in the shade, singing every song the radio played, waiting for the Alabama sun to go down to a red dirt girls in a red dirt town. Me and Lillian. Just across the line and a little southeast of Meridian. Loved her brother, I remember back when he was fixing up a 49 Indian. He told her little sister, gonna ride the wind up around the moon and back again. Never got farther than Vietnam. I was standing there with her when the telegram come, but Lily. Now he's lying somewhere about a million miles from Meridian. Away from this red dirt town. Gonna make a joyful sound. She grew up tall and she grew up thin. Buried that old dog Gideon by a grave little bush at the back of the yard. Her daddy turned mean and her mama leaned hard. Got in trouble with a boy from town. Figured that she might as well settle down, so she dug right in. Across the red dirt line, just a little southeast.